Recherche et Développement, une émission de SciDev.net. Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Science et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net. À la une cette semaine. La République démocratique du Congo avec l'épidémie d'Ebola. Pour l'OMS, sans être une situation d'urgence de portée internationale, l'épidémie est quand même préoccupante. Le phénomène WhatsApp en Afrique entre progrès technologique et perte de revenus pour les opérateurs de téléphonie mobile. Bilal Taïrou a rencontré les ténors de l'industrie des télécommunications. La peur des vaccins. Comment l'expliquer et comment éduquer la population dans le sens de comprendre les bienfaits de la vaccination? Reportage à Douala de Julien Chongwang. À suivre également la question scientifique des auditeurs, nous parlerons de paludisme et de sorcellerie. Et en fin d'édition, l'agenda scientifique des prochaines semaines. Science et développement. Mais pour commencer, voici un tour d'horizon de l'actualité scientifique avec vous, Hamza Fassassi. Science Express. Une étude a révélé que la Terre avait la capacité de nourrir la population mondiale si chaque pays apportait des changements fondamentaux à ses systèmes de production alimentaire et à sa consommation. L'étude, publiée dans la revue Nature du 10 octobre, modélisait les changements nécessaires pour nourrir 10 milliards de personnes tout en préservant l'écosystème mondial. En Afrique de l'Ouest, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement recommande que les opérateurs de téléphonie mobile se partagent les infrastructures pour couvrir tous les territoires afin de réduire les coûts et d'améliorer le taux de pénétration de l'Internet. Cette recommandation fait suite à l'évaluation de l'état de préparation du commerce électronique des économies des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lors d'un forum à Montréal sur le potentiel numérique africain, plusieurs orateurs se sont exprimés sur le besoin de structurer l'écosystème des nouvelles technologies en Afrique. Pour Rachel Orumbor, directrice générale de l'entreprise technologique Soft Digital, il y a lieu d'établir un pont entre le Canada et l'Afrique. Et pour cela, soutient-elle, les Africains doivent d'abord se réorganiser. Nous avons besoin de commencer à bâtir notre compétence de façon structurée. Propos recueillis à Montréal par Godefroy Chabi. Science et développement. L'économétrie, c'est l'utilisation des mathématiques et de la statistique dans les analyses. Il y a plusieurs gens qui disent qu'ils ont été harcelés par leurs professeurs. Les scientifiques auront fait leur travail, a produit du savoir. Grand format. La science est-elle sur le point de vaincre Ebola? Vous le savez, pour la première fois, des médicaments et des vaccins sont administrés en cette période d'épidémie en RDC. La RDC qui combat sa 10e flambée de fièvre hémorragique grâce aux nouveaux remèdes déployés sur le terrain. Mais peut-on pour autant dire que la science est en train de vaincre le virus d'Ebola? Élément de réponse dans ce reportage de Patrick Abega à Kinshasa. Selon moi, l'Ebola, pour moi, c'est comme un mythe, c'est comme une histoire inventée, je ne sais d'où. À un moment donné, on a pensé qu'on avait pu trouver des antidotes par rapport à cette maladie. Mais à en croire le nombre de morts actuellement, on se demanderait si ce ne serait pas un mauvais sort ou une malédiction, une sorcellerie, des trucs du genre, quoi. Nous entendons parler d'Ebola, mais moi, personnellement, je pense que cette épidémie ravage les Congolais parce qu'on n'est pas suffisamment instruits sur les mesures d'hygiène. Entre peur et résignation, ces habitants de Kinshasa s'expriment sur Ebola. Ils ont beau se trouver à près de 2000 km de l'épicentre du virus, les sujets occupent les conversations. Pour contrer les virus, des médicaments et des vaccins à l'état expérimental sont administrés. Ce sont des outils supplémentaires pour la riposte contre la maladie, explique Oli Ilunga, le ministre de la Santé. La science nous a mis à la disposition des traitements qui permettent donc de contrôler la létalité. Si on n'avait pas le vaccin, il y a 16 000 contacts dont on ne sait pas ce qu'ils seraient devenus, s'ils auraient tous développé la maladie ou pas. Ces médicaments et vaccins suscitent beaucoup d'espoir, au point que d'aucuns rêvent d'une proche éradication de la maladie. Steve Ahuka, virologue-chercheur à l'Institut national des recherches biomédicales de Kinshasa, relativise. Vaincre quelque chose suppose qu'on contrôle tous les paramètres. Et pour la maladie à virus Ebola, je pense que nous sommes loin de prétendre vaincre. Cette épidémie sévit dans les milieux ruraux. Ici, la population est toujours très attachée à ses rites funéraires. Ceci favorise également la propagation du virus, analyse le sociologue de la santé Hubert Kouilou. Dans nos communautés, les gens commencent d'abord par bien traiter les cadavres. Ils rasent les cadavres, ils les lavent, ils l'habillent. Et c'est un contact permanent qui facilite la transmission de la maladie. La science à elle seule semble encore loin de vaincre Ebola. À Beni, au-delà de cette maladie, la population fait face à une autre menace, les rebelles de l'ADEF. Ces groupes armés opèrent régulièrement des incursions meurtrières, une épine de plus dans les pieds des équipes qui mènent la riposte contre Ebola. Patrick Abega, Kinshasa, Science et Développement. Comment taxer les revenus du numérique, des fintechs ou médias sociaux ? Il s'agit d'un casse-tête sur lequel les autorités du monde entier planchent en ce moment. Une solution qui gagne du terrain en Afrique, c'est la taxation de l'utilisation des services de contournement tels que Netflix, Skype et surtout WhatsApp. Mais l'impact risque d'être considérable, aussi bien sur l'utilisateur que sur l'ensemble de l'écosystème de l'industrie du mobile en Afrique. Reportage à Dakar de Bilal Taïrou. S'il y a une application qui fait indéniablement aujourd'hui l'unanimité de tous les détenteurs de smartphones sur le continent africain, c'est bien évidemment WhatsApp. Par quoi se justifie cette popularité de WhatsApp en Afrique ? Explication de Franco Yami, président du Forum pour la gouvernance de l'Internet au Bénin. C'est une question de coût. Les SMS pendant longtemps et les MMS dans les pays où il y en avait, en Afrique, étaient extrêmement chers et restent quand même assez chers. Pour sa part, Cyril Ngenkendek du groupe Ericsson estime que cette popularité est due au fait que WhatsApp est une application tout en un. WhatsApp a su combiner toutes ces plateformes de messagerie instantanée qui existaient par le passé. Une chose est certaine, c'est que cette application connaît un foudroyant succès sur le continent africain, si foudroyant qu'il fait des vagues au niveau des opérateurs de téléphonie mobile qui voient, impuissants, leurs revenus diminuer de façon drastique. Ils se plaignent. Leur plainte est-elle cependant légitime ? Calisto Mwanou, ingénieur en télécommunication à Huawei Technologies. Ils ont raison, ces applications leur font perdre du revenu, ça c'est indéniable. Parce que les appels voix traditionnels coûtent beaucoup plus cher. Mais bloquer ou surtaxer, je pense, n'est pas la solution. Déjà, techniquement, ils n'arrivent pas à le faire. Et même quand on bloque ou bien quand on surtaxe les applications, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent avec WhatsApp. Il y a des entreprises qui travaillent avec Viber, avec Skype, qui font des conférences call avec leurs clients un peu partout dans le monde. Donc ça atteint même le business du pays. Les opérateurs se mobilisent, ça et là, dans certains pays. Avec le concours des gouvernements et des mesures draconiennes sont prises contre ces applications que l'on appelle dans le jargon technologique les applications de contournement, encore connues sous l'acronyme anglo-saxon OTTs. Elles partent d'une taxe appliquée à leur utilisation jusqu'au blocage à leur accès. Bilal Taïrou, Dakar, Sciences et Développement. Bilal Taïrou à l'instant sur les difficultés des opérateurs de téléphonie mobile africains à gérer la problématique des fameux OTT, Over-the-Top Services, qui consomment beaucoup de bandes passantes et finalement sans bénéfice pour les opérateurs. Les jeunes Anglais sont de plus en plus nombreux à douter de l'efficacité et de l'utilité des vaccins. Tel est le constat que dressent des chercheurs du Vaccine Confidence Project de Londres dans un article paru en ce mois d'octobre. Mais le problème de la confiance des populations vis-à-vis des vaccins se pose aussi en Afrique. Le cas du Cameroun avec notre reporter Julien Chongwang. Pratiquée depuis le XVIIIe siècle, la vaccination est un procédé qui consiste à inoculer chez un sujet bien portant les germes atténués d'une maladie afin de stimuler les défenses naturelles de son organisme pour les préparer à combattre plus rapidement et plus efficacement une réelle infection. Mais malgré ses bénéfices avérés pour la santé publique, la vaccination continue de susciter de la méfiance dans certaines communautés. Au Cameroun, par exemple, ce problème se manifeste sous plusieurs formes. Victor Camin, médecin-chef du Centre international de vaccination du Cameroun. Il y a des moments où ils refusent d'ouvrir la porte, il y a des moments où ils cachent les enfants, il y a des moments où ils vous disent clairement qu'ils ne veulent pas, ils ne prennent pas quatre chemins. D'après ce médecin, cette méfiance des populations vis-à-vis des vaccins se justifie d'abord par la trop grande fréquence des campagnes de vaccination. Victor Camin. Dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite, nous avons eu à faire beaucoup de tours de vaccination. Et les gens étaient un peu lassés de nous voir arriver chaque année 8, 9, 10 fois. À cette raison s'ajoutent les pesanteurs socioculturelles. Jodel Caillot, secrétaire générale adjointe de Positive Generation, une association de lutte pour l'accès aux soins de santé. On va prendre des cas de personnes très éloignées des agglomérations, qui n'ont pas accès à l'information très souvent et qui sont réticentes du fait de la nouveauté. Elles ont peur. Il y a aussi des croyances religieuses. Généralement, c'est des habitudes pentecôtistes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les églises où on leur demande ou on leur interdit certaines pratiques. Et il y a aussi des problèmes de culture. Chez les Baka, par exemple, on sait qu'on prévient certaines maladies à partir des plantes. S'appuyant sur l'exemple d'un patient qu'il a reçu dans son cabinet, le naturopathe Émile Toukam évoque pour sa part la nocivité des vaccins. Il avait eu des vaccins à l'âge de 6 ans. Presque 40 ans après, le vaccin était toujours dans son corps et on a pu détecter cela, pas ici au Cameroun, mais en Europe, que c'était le vaccin qui était à l'origine de son accident vasculaire cérébral. Et aujourd'hui, cette personne n'a jamais accepté que ses enfants prennent ne serait-ce qu'un seul vaccin. Pour Victor Kamé du Centre international de vaccination du Cameroun, ce cas isolé ne saurait cependant discréditer le vaccin. Il est clair que la vaccination peut avoir des effets secondaires, mais c'est des effets secondaires moindres. Surtout quand il faut les comparer aux bénéfices que nous avons avec la vaccination. En réponse à ce problème, la sensibilisation par une approche communautaire est souvent préconisée. Julien Chongwan, Douala, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est ? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. Une question assez spéciale. Je m'appelle Grégoire Nzula. Je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai une question pour Sciences et Développement. J'aimerais savoir, quand on parle d'éliminer les paludismes, à quoi correspond exactement ces concepts ? S'agit-il d'éliminer ou tuer individuellement chaque moustique ou d'arrêter tous les sorciers qui transmettent le paludisme ? Pas très sûr que la sorcellerie fasse partie des agents de transmission du paludisme, mais bon, on va quand même essayer de répondre à votre question, cher Grégoire. Hamzat Fassassi, vous vous êtes entretenu avec le professeur Cher Sorna, parasitologue à l'Institut de recherche pour le développement. Et oui, Sylvie, je suis allé à la rencontre de Cher Sorna. Le chercheur sénégalais commence d'abord à nuancer les termes. On l'écoute. Il y a le concept d'élimination et le concept d'éradication. L'élimination, c'est essayer d'avoir dans une zone géographique bien déterminée. Ça peut être à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un département, d'un district. Donc vraiment une aire géographique bien limitée où il n'y a plus de cas autochtones de paludisme. Mais là, si on élimine progressivement dans toutes les régions du monde ou de l'Afrique, on parlera d'éradication. Et donc j'imagine que dans cette lutte contre le paludisme, il n'y a aucun volet contre les sorciers, contrairement à ce que disait notre auditeur tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'ils appellent sorciers, mais là, on connaît les légendes urbaines en Afrique, on sait très bien que dans la plupart des pays africains, dès qu'on tombe malade, ça ne peut être que l'œuvre d'une tante ou d'une grand-mère sorcière. Ça n'a rien à voir. Bien. Aucun problème de sorcellerie dans le paludisme. C'est donc une question de science. C'est une question de science, d'économie, c'est une question de pauvreté. Et si on lutte contre la pauvreté, on lutte contre le paludisme. Voilà Sylvie, si vous avez des symptômes de palu, allez donc à l'hôpital, pas chez le marabout du coin. Eh bien, vous aussi, si vous souhaitez poser des questions aux experts de saidev.net, n'hésitez pas à nous les envoyer à notre numéro WhatsApp, un numéro tout proche de vous, le 221 70 838 40 76. C'est bientôt la fin de cette émission. Un mot encore pour feuilleter avec vous l'agenda scientifique du mois de novembre. C'est avec vous, Bilal Taïrou. L'agenda. Merci Sylvie. Des événements phares à noter pour novembre. Tout d'abord, le symposium international sur les technologies de pointe en électricité et en communication, prévu à Rabat au Maroc du 21 au 23 novembre. Il fournira un cadre technique international permettant aux scientifiques et chercheurs du monde entier de présenter leurs derniers résultats de recherche en matière de génie électrique, de technologies de communication et de systèmes intelligents. Un autre événement qui mérite d'être signalé, il s'agit de la seconde édition de l'African Conference of Youth, qui se tiendra à Ouagadougou du 22 au 24 novembre. 500 jeunes venant de toute l'Afrique et de la diaspora se réuniront dans la capitale burkinabé pour débattre des enjeux actuels et futurs, des changements climatiques ainsi que des défis de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Merci Bilal, et voilà qui met fin à cette première édition de Sciences et Développement réalisée avec le concours de votre radio. Si vous souhaitez que nous en réalisions d'autres, veuillez nous écrire par email à l'adresse afrique@saidev.net. À bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr.